Section 11 de Mémoire d'outre-tombe, tome 1, par François-René de Chateaubriand. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Christiane Jehanne. Première partie, livre 4, suite. Le courrier de la malle me conduisit à ma garnison. Un de mes beaux-frères, le vicomte de Châteaubourg, il avait épousé ma sœur Bénigne, restée veuve du comte de Québriac, m'avait donné des lettres de recommandation pour des officiers de mon régiment. Le chevalier de Guénan, homme de fort bonne compagnie, me fit admettre à une table où mangeaient des officiers distingués par leurs talents. Messieurs Achard des Maillis, la Martinière, le marquis de Mortemart était colonel du régiment, le comte d'Andrézel, major. J'étais particulièrement placé sous la tutelle de celui-ci. Je les ai retrouvés tous dans la suite. L'un est devenu mon collègue à la chambre des pairs, l'autre s'est adressé à moi pour quelques services que j'ai été heureux de lui rendre. Il y a un plaisir triste à rencontrer des personnes que l'on a connues à diverses époques de la vie et à considérer le changement opéré dans leur existence et dans la nôtre, comme des jalons laissés en arrière, ils nous tracent le chemin que nous avons suivi dans le désert du passé. Arrivé en habit bourgeois au régiment, 24 heures après, j'avais pris l'habit de soldat. Il me semblait l'avoir toujours porté. Mon uniforme était bleu et blanc, comme jadis la jaquette de mes vœux. J'ai marché sous les mêmes couleurs, jeune homme et enfant. Je ne subis aucune des épreuves à travers lesquelles les sous-lieutenants étaient dans l'usage de faire passer un nouveau venu. Je ne sais pourquoi on osa se livrer avec moi à ces enfantillages militaires. Il n'y avait pas 15 jours que j'étais au corps qu'on me traitait comme un ancien. J'appris facilement le maniement des armes et la théorie. Je franchis mes grades de caporal et de sergent aux applaudissements de mes instructeurs. Ma chambre devint le rendez-vous des vieux capitaines comme des jeunes sous-lieutenants. Les premiers me faisaient faire leur campagne, les autres me confiaient leurs amours. La Martinière me venait chercher pour passer avec lui devant la porte d'une belle cambrésienne qu'il adorait. Cela nous arrivait 5 à 6 fois le jour. Il était très laid et avait le visage labouré par la petite vérole. Il me racontait sa passion en buvant de grands verres d'eau de groseille que je payais quelquefois. Tout aurait été à merveille sans ma folle ardeur pour la toilette. On affectait alors le rigorisme de la tenue prussienne. Petit chapeau, petites boucles serrées à la tête, queue attachée, roide, habit strictement agrafé. Cela me déplaisait fort. Je me soumettais le matin à ces entraves, mais le soir, quand j'espérais n'être pas vu des chefs, je m'affublais d'un plus grand chapeau. Le barbier descendait les boucles de mes cheveux et desserrait ma queue. Je déboutonnais et croisais les revers de mon habit. Dans ce tendre négligé, j'allais faire ma cour pour la Martinière sous la fenêtre de sa cruelle flamande. Voilà qu'un jour, je me rencontre nez à nez avec monsieur d'Andrézel. « Qu'est-ce que cela, monsieur ? » me dit le terrible major. « Vous garderez 3 jours les arrêts. » Je fus un peu humilié, mais je reconnus la vérité du proverbe qu'à quelque chose malheur est bon. Il me délivra des amours de mon camarade. Auprès du tombeau de Fénelon, je relus Télémaque. Je n'étais pas trop en train de l'historiette philanthropique de la vache et du prélat. Le début de ma carrière amuse mes ressouvenirs. En traversant Cambrai avec le roi, après les 100 jours, je cherchais la maison que j'avais habitée et le café que je fréquentais. Je ne l'ai pu retrouver. Tout avait disparu. Hommes et monuments. L'année même où je faisais à Cambrai mes premières armes, on apprit la mort de Frédéric II. Note, Frédéric II mourut le 17 août 1786. Fin de note. Je suis ambassadeur auprès du neveu de ce grand roi. Et j'écris à Berlin cette partie de mes mémoires. À cette nouvelle importante pour le public succéda une autre nouvelle douloureuse pour moi. Lucille m'annonça que mon père avait été emporté d'une attaque d'apoplexie, le surlendemain de cette fête de Langevine, une des joies de mon enfance. Parmi les pièces authentiques qui me servent de guide, je trouve les actes de décès de mes parents. Ces actes marquant aussi d'une façon particulière le décès du siècle. Je les consigne ici comme une page d'histoire. Extrait du registre de décès de la paroisse de Combourg pour 1786, où est écrit ce qui suit, folio 8. Verso. Le corps du haut et puissant messire René de Chateaubriand, chevalier, comte de Combourg, seigneur de Gaugres, le Plessis-Lépine, Boulay, Malétroit, Andol et autres lieux, époux de haute et puissante dame Apolline Jeanne Suzanne de Bédé de la Bouët-Ardet, dame comtesse de Combourg, âgée de 69 ans environ, mort en son château de Combourg, le 6 septembre, environ les 8 heures du soir, a été inhumé le 8, dans le caveau de la dite seigneurie, placé dans le chasseau de notre église de Combourg, en présence de messieurs les gentilshommes, de messieurs les officiers de la juridiction et autres notables bourgeois, sous-signant. Signé au registre, le comte de Petitbois, de Montlouette, de Château d'Assy, de Launay, Moreau, Noury de Mauny, avocat, Hermer, procureur, Petit, avocat et procureur fiscal, Robiou, Portal, le Douarin, de Trévelec, recteur doyen de Dinger, Sévin, recteur. Dans le collationné délivré en 1812 par M. Laudin, maire de Combourg, les 19 mots portant titre « Haut et puissant messire, etc. » sont biffés. Extrait du registre des décès de la ville de Saint-Servant, premier arrondissement du département d'Ille-et-Vilaine, pour l'an 6 de la République, folio 35, recto, où est écrit ce qui suit, le 12 prairial an 6 de la République française, devant moi, Jacques Bourdas, officier municipal de la commune de Saint-Servant, élu officier public le 4 floréal dernier, sont comparus Jean Basselet, jardinier, et Joseph Boulin, journalier, lesquels m'ont déclaré qu'Apolline Jeanne Suzanne de Bédé, veuve de René Auguste de Chateaubriand, est décédée au domicile de la citoyenne Guyon, située à la Balue, en cette commune, ce jour, à 1 heure après-midi. D'après cette déclaration, dont je me suis assuré de la vérité, j'ai rédigé le présent acte que Jean Basselet a seul signé avec moi, Joseph Boulin ayant déclaré ne le savoir faire, de ce interpellé. Fait en la maison commune les 10 jours et ans, signé Jean Basselet et Bourdas. Dans le premier extrait, l'ancienne société subsiste. Monsieur de Chateaubriand est un haut et puissant seigneur, etc., etc. Les témoins sont des gentilshommes et de notables bourgeois. Je rencontre parmi les signataires ce marquis de Montlouette, qui s'arrêtait l'hiver au château de Combourg, le curé Sévin, qui eut tant de peine à me croire l'auteur du génie du christianisme, hôte fidèle de mon père jusqu'à sa dernière demeure. Mais mon père ne coucha pas longtemps dans son linceul. Il en fut jeté hors quand on jeta la vieille France à la voirie. Dans l'extrait mortuaire de ma mère, la terre roule sur d'autres pôles, nouveau monde, nouvel air. Le compout des années et les noms même des mois sont changés. Madame de Chateaubriand n'est plus qu'une pauvre femme qui habite au domicile de la citoyenne Guyon. Un jardinier et un journalier qui ne s'est pas signé attestent seuls la mort de ma mère. Des parents et d'amis, point. Nulle pompe funèbre. Pour tout assistant, la Révolution. Je pleurais, monsieur de Chateaubriand. Sa mort me montra mieux ce qu'il valait. Je ne me souvins ni de ses rigueurs, ni de ses faiblesses. Je croyais encore le voir se promener le soir dans la salle de Combourg. Je m'attendrissais à la pensée de ces scènes de famille. Si l'affection de mon père pour moi se ressentait de la sévérité du caractère, au fond, elle n'en était pas moins vive. Le farouche maréchal de Montluc qui, rendu camard par des blessures effrayantes, était réduit à cacher sous un morceau de suaire l'horreur de sa gloire, cet homme de carnage se reproche sa dureté envers un fils qu'il venait de perdre. « Ce pauvre garçon, disait-il, n'a rien vœu de moi qu'une contenance refroignée et pleine de mesprit. Il a emporté cette créance que je n'ai ce ni l'aimé ni l'estimé selon son mérite. » À qui gardais-je à découvrir cette singulière affection que je lui portais dans mon âme? Est-ce pas lui qui en devait avoir tout le plaisir et toute l'obligation? Je me suis contraint et j'ai aîné pour maintenir ce vain masque. Y ai perdu le plaisir de sa conversation et sa volonté. Quand et quand qu'il ne me peut avoir porté autre que bien froide, n'ayant jamais reçu de moi que rudesse, ni senti qu'une façon tyrannique. Ma volonté ne fut point portée bien froide envers mon père, et je ne doute point que malgré sa façon tyrannique, il ne m'aima tendrement. Il m'eût, j'en suis sûr, regretté, la Providence m'appelant avant lui. Mais lui, restant sur la terre avec moi, eût-il été sensible au bruit qui s'est élevé de ma vie? Une renommée littéraire aurait blessé sa gentilhommerie. Il n'aurait vu dans les aptitudes de son fils qu'une dégénération. L'ambassade même de Berlin, conquête de la plume, non de l'épée, l'eût médiocrement satisfait. Son sang breton le rendait d'ailleurs frondeur en politique, grand opposant des taxes et violent ennemi de la cour. Il lisait la Gazette de Leyde, le Journal de Francfort, le Mercure de France et l'Histoire philosophique des deux Indes, dont les déclamations le charmaient. Il appelait l'abbé Raynal un maître homme. En diplomatie, il était anti-musulman. Il affirmait que 40 000 polissons russes passeraient sur le ventre des janissaires et prendraient Constantinople. Bien que turcophage, mon père avait nonobstant rancune au cœur contre les polissons russes, à cause de ses rencontres à Dantzig. Je partage le sentiment de M. de Chateaubriand sur les réputations littéraires ou autres, mais par des raisons différentes des siennes. Je ne sache pas dans l'histoire une renommée qui me tente. Fallut-il me baisser pour ramasser à mes pieds et à mon profit la plus grande gloire du monde, je ne m'en donnerais pas la fatigue. Si j'avais pétri mon limon, peut-être me fussé-je créé femme en passion d'elle, ou si je m'étais fait homme, je me serais octroyé d'abord la beauté. Ensuite, par précaution contre l'ennui, mon ennemi acharné, il m'eût assez convenu d'être un artiste supérieur, mais inconnu, et n'usant de mon talent que bénéfice de ma solitude. Dans la vie pesée à son poids léger, au nez à sa courte mesure, dégagée de toute piperie, il n'est que deux choses vraies. La religion avec l'intelligence, l'amour avec la jeunesse, c'est-à-dire l'avenir et le présent. Le reste n'en vaut pas la peine. Avec mon père finissait le premier acte de ma vie. Les foyers paternels devenaient vides, je les plaignais comme s'ils eussent été capables de sentir l'abandon et la solitude. Désormais, j'étais sans maître et jouissant de ma fortune. Cette liberté m'effraya. Qu'en allais-je faire? À qui la donnerais-je? Je me défiais de ma force, je reculais devant moi. J'obtins un congé. M. d'Andrézel, nommé lieutenant-colonel du régiment de Picardie, quittait Cambrai. Je lui servis de courrier, je traversai Paris où je ne voulus pas m'arrêter un quart d'heure. Je revis les landes de ma Bretagne avec plus de joie qu'un Napolitain banni dans nos climats ne reverrait les rives de Portici, les campagnes de Sorrent. Ma famille se rassembla à Combourg, on régla les partages. Cela fait, nous nous dispersâmes comme des oiseaux s'envolent du nid paternel. Mon frère, arrivé de Paris, y retourna. Ma mère se fixa à Saint-Malo. Lucille suivit Julie. Je passai une partie de mon temps chez mesdames de Marigny, de Châteaubourg et de Farcy. Marigny, château de ma sœur aînée, à 3 lieues de Fougères, était agréablement situé entre 2 étangs parmi des bois, des rochers et des prairies. J'y demeurai quelques mois tranquille. Une lettre de Paris vint troubler mon repos. Au moment d'entrer au service et d'épouser mademoiselle de Rosambeau, mon frère n'avait point encore quitté la robe. Par cette raison, il ne pouvait monter dans les carrosses. Son ambition pressée lui suggéra l'idée de me faire jouir des honneurs de la cour afin de mieux préparer les voies à son élévation. Les preuves de noblesse avaient été faites pour Lucille lorsqu'elle fut reçue au chapitre de l'Argentière, de sorte que tout était prêt. Le maréchal de Duras devait être mon patron. Mon frère m'annonçait que j'entrais dans la route de la fortune, que déjà j'obtenais le rang de capitaine de cavalerie, rang honorifique et de courtoisie, qu'il serait aisé de m'attacher à l'ordre de Malte, au moyen de quoi je jouirais de gros bénéfices. Cette lettre me frappa comme un coup de foudre. Retourner à Paris, être présenté à la cour. Et je me trouvais presque mal quand je rencontrais 3 ou 4 personnes inconnues dans un salon. Me faire comprendre l'ambition à moi qui ne rêvais que de vivre oublié. Mon premier mouvement fut de répondre à mon frère qu'étant l'aîné, c'était à lui de soutenir son nom. Que quant à moi, obscur cadet de Bretagne, je ne me retirerais pas du service parce qu'il y avait des chances de guerre. mais que si le roi avait besoin d'un soldat dans son armée, il n'avait pas besoin d'un pauvre gentilhomme à sa cour. Je m'empressai de lire cette réponse romanesque à Madame de Marigny, qui jeta les hauts cris. On appela Madame de Farcy, qui se moqua de moi. Lucile m'aurait bien voulu soutenir, mais elle n'osait combattre ses sœurs. On m'arracha ma lettre, et toujours faible quand il s'agit de moi, je mandai à mon frère que j'allais partir. Je partis, en effet, je partis pour être présenté à la première cour de l'Europe, pour débuter dans la vie de la manière la plus brillante, et j'avais l'air d'un homme que l'on traîne aux galères ou sur lequel on va prononcer une sentence de mort. J'entrai dans Paris par le chemin que j'avais suivi la première fois. J'allais descendre au même hôtel, rue du Mail, je ne connaissais que cela. Je fus logé à la porte de mon ancienne chambre, mais dans un appartement un peu plus grand et donnant sur la rue. Mon frère, soit qu'il fût embarrassé de mes manières, soit qu'il eût pitié de ma timidité, ne me mena point dans le monde et ne me fit faire connaissance avec personne. Il demeurait rue des Fossés-Montmartre. J'allais tous les jours dîner chez lui à 3 heures. Nous nous quittions ensuite et nous ne nous revoyions que le lendemain. Mon gros cousin Moreau n'était plus à Paris. Je passai 2 ou 3 fois devant l'hôtel de Madame de Chastenay sans oser demander au Suisse ce qu'elle était devenue. L'automne commençait, je me levais à 6 heures, je passais au manège, je déjeunais. J'avais heureusement alors la rage du grec. Je traduisais l'Odyssée et la Cyropédie jusqu'à 2 heures en entremêlant mon travail d'études historiques. À 2 heures, je m'habillais, je me rendais chez mon frère. Il me demandait ce que j'avais fait, ce que j'avais vu. Je répondais « rien ». Il haussait les épaules et me tournait le dos. Un jour, on entend du bruit, au dehors. Mon frère court à la fenêtre et m'appelle. Je ne voulus jamais quitter le fauteuil dans lequel j'étais étendu au fond de la chambre. Mon pauvre frère me prédit que je mourrais inconnu, inutile à moi et à ma famille. À 4 heures, je rentrais chez moi. Je m'asseyais derrière ma croisée. 2 jeunes personnes de 15 ou 16 ans venaient à 7 heures dessiner à la fenêtre d'un hôtel bâti en face, de l'autre côté de la rue. Elles s'étaient aperçues de ma régularité, comme moi, de la leur. De temps en temps, elles levaient la tête pour regarder leurs voisins. Je leur savais un gré infini de cette marque d'attention. Elles étaient ma seule société à Paris. Quand la nuit approchait, j'allais à quelques spectacles. Le désert de la foule me plaisait, quoiqu'il m'en coûtât toujours un peu de prendre mon billet à la porte et de me mêler aux hommes. Je rectifiais les idées que je m'étais formées du théâtre à Saint-Malo. Je vis Madame Saint-Huberti dans le rôle d'Armide. Je sentis qu'il avait manqué quelque chose à la magicienne de ma création. Lorsque je ne m'emprisonnais pas dans la salle de l'opéra ou des Français, je me promenais de rue en rue, ou le long des quais, jusqu'à 10 ou 11 heures du soir. Je n'aperçois pas encore aujourd'hui la file des réverbères de la place Louis XV à la barrière des bons hommes, sans me souvenir des angoisses dans lesquelles j'étais quand je suivis cette route pour me rendre à Versailles lors de ma présentation. Rentré au logis, je demeurais une partie de la nuit la tête penchée sur mon feu qui ne me disait rien. Je n'avais pas, comme les Persans, l'imagination assez riche pour me figurer que la flamme ressemblait à l'anémone et la braise à la grenade. J'écoutais les voitures allant, venant, se croisant. Le roulement lointain imitait le murmure de la mer sur les grèves de ma Bretagne ou du vent dans les bois de Combourg. Ces bruits du monde qui rappelaient ceux de la solitude réveillaient mes regrets. J'évoquais mon ancien mal, ou bien mon imagination inventait l'histoire des personnages que ces chars emportaient. J'apercevais des salons radieux, des bals, des amours, des conquêtes. Bientôt, retombé sur moi-même, je me retrouvais, délaissé dans une hôtellerie, voyant le monde par la fenêtre et l'entendant aux échos de mon foyer. Rousseau croit devoir à sa sincérité, comme à l'enseignement des hommes, la confession des voluptés suspectes de sa vie. Il suppose même qu'on l'interroge gravement et qu'on lui demande compte de ses péchés avec les données pericolanti de Venise. Si je m'étais prostituée aux courtisanes de Paris, je ne me croirais pas obligée d'en instruire la postérité. Mais j'étais trop timide d'un côté, trop exaltée de l'autre, pour me laisser séduire à des filles de joie. Quand je traversais les troupeaux de ces malheureuses attaquant les passants pour les hisser à leurs entresols, comme les cochers de Saint-Cloud pour faire monter les voyageurs dans leurs voitures, j'étais saisi de dégoût et d'horreur. Les plaisirs d'aventure ne m'auraient convenu qu'au temps passé. Dans les 14e, 15e, 16e et 17e siècles, la civilisation imparfaite, les croyances superstitieuses, les usages étrangers et demi-barbares mêlaient le roman partout. Les caractères étaient forts, l'imagination puissante, l'existence mystérieuse et cachée. La nuit, autour des hauts murs des cimetières et des couvents, sous les remparts déserts de la ville, le long des chaînes et des fossés des marchés, à l'orée des quartiers clos, dans les rues étroites et sans réverbère, où des voleurs et des assassins se tenaient embusqués, où des rencontres avaient lieu tantôt à la lumière des flambeaux, tantôt dans l'épaisseur des ténèbres. C'était au péril de sa tête qu'on cherchait le rendez-vous donné par quelque Héloïse. Pour se livrer au désordre, il fallait aimer véritablement. Pour violer les mœurs générales, il fallait faire de grands sacrifices. Non seulement il s'agissait d'affronter des dangers fortuits et de braver le glaive des lois, mais on était obligé de vaincre en soi l'empire des habitudes régulières, l'autorité de la famille, la tyrannie des coutumes domestiques, l'opposition de la conscience, les terreurs et les devoirs du chrétien. Toutes ces entraves doublaient l'énergie des passions. Je n'aurais pas suivi, en 1788, une misérable affamée qui m'eût entraînée dans son bouge sous la surveillance de la police. Mais il est probable que j'eusse mis à fin, en 1606, une aventure du genre de celle qu'a si bien racontée Bassompierre. « Il y a voix 5 ou 6 mois, dit le maréchal, que toutes les fois que je passois sous le petit pont, car en ce temps-là le pont neuf n'était point bâti, une belle femme, lingère à l'enseigne des deux anges, me faisoit de grandes révérences et m'accompagnoit de la vue tant qu'elle pouvoit. Et comme j'eus pris garde à son action, je la regardois aussi et la saluois avec plus de soin. Il advint que lorsque j'arrivais de Fontainebleau à Paris, passant sur le petit pont, dès qu'elle m'aperçut venir, elle se mit sur l'entrée de sa boutique et me dit, comme je passois, « Monsieur, je suis votre servante. » Je lui rendis son salut, et me retournant de temps en temps, je vis qu'elle me suivoit de la vue aussi longtemps qu'elle pouvoit. Bassompierre obtient un rendez-vous. Je trouvais, dit-il, une très belle femme âgée de 20 ans, qui était coiffée de nuit, n'ayant qu'une très fine chemise sur elle et une petite jupe de revêche verte, et des mules aux pieds avec un peignoir sur elle. Elle me plut bien fort. Je lui demandai si je ne pourrais pas la voir encore une autre fois. « Si vous voulez me voir une autre fois, me répondit-elle, ce sera chez une de mes tantes, qui se tient en la rue Bourlabé, proche des Halles, auprès de la rue des Ours, à la 3e porte du côté de la rue Saint-Martin. Je vous y attendrai depuis 10 heures jusqu'à minuit, et plus tard encore. Je laisserai la porte ouverte. À l'entrée, il y a une petite allée que vous passerez vite, car la porte de la chambre de ma tante y répond, et trouverez un degré qui vous mènera à ce second étage. » Je vins à 10 heures et trouvai la porte qu'elle m'avoit marquée et de la lumière bien grande, non seulement au second étage, mais au 3e et au 1er encore. Mais la porte était fermée. Je frappai pour avertir de ma venue, mais j'ouïs une voix d'homme qui me demanda qui j'étois. Je m'en retournai à la rue aux Ours et étant retourné pour la 2e fois, ayant trouvé la porte ouverte, j'entrai jusqu'au second étage, où je trouvais que cette lumière étoile la paille du lit que l'on y brûloit, et 2 cornues étendues sur la table de la chambre. Alors je me retirai bien étonné, et en sortant je rencontrai des corbeaux, en terreur de mort, qui me demandèrent ce que je cherchois. Et moi, pour les faire écarter, mis l'épée à la main et passé outre, m'en revenant à mon logis, un peu ému de ce spectacle inopiné. Je suis allé à mon tour à la découverte, avec l'adresse donnée il y a 240 ans par Bassompierre. J'ai traversé le petit pont, passé les Halles, et suivi la rue Saint-Denis jusqu'à la rue aux Ours à main droite. La première rue à main gauche, aboutissant rue aux Ours, est la rue Bourlabé. Son inscription, enfumée comme par le temps et un incendie, m'a donné bonne espérance. J'ai retrouvé la 3e petite porte, du côté de la rue Saint-Martin, tant les renseignements de l'historien sont fidèles. Là, malheureusement, les 2 siècles et demi que j'avais cru d'abord rester dans la rue ont disparu. La façade de la maison est moderne. Aucune clarté ne sortait ni du premier, ni du second, ni du 3e étage. Aux fenêtres de l'attique, sous le toit, régnait une guirlande de capucines et de pois de senteur. Au rez-de-chaussée, une boutique de coiffeur offrait une multitude de tours de cheveux accrochés derrière les vitres. Tout déconvenu, je suis entré dans ce musée des Éponines. Depuis la conquête des Romains, les Gauloises ont toujours vendu leurs tresses blondes à des fronts moins parés. Mes compatriotes bretonnes se font tondre encore à certains jours de foire et troquent le voile naturel de leur tête pour un mouchoir des Indes. M'adressant à un merlan qui filait une perruque sur un peigne de fer, « Monsieur, n'auriez-vous pas acheté les cheveux d'une jeune lingère qui demeurait à l'enseigne des 2 anges, près du petit pont ?» Il est resté sous le coup, ne pouvant dire ni oui ni non. Je me suis retiré avec 1000 excuses à travers un labyrinthe de toupets. J'ai ensuite erré de porte en porte, point de lingère de 20 ans, me faisant grande révérence, point de jeune femme franche, désintéressée, passionnée, coiffée de nuit, n'ayant qu'une très fine chemise, une petite jupe de revêche verte et des mules aux pieds avec un peignoir sur elle. Une vieille grognon, prête à rejoindre ses dents dans la tombe, m'a pensé battre avec sa béquille. C'était peut-être l'attente du rendez-vous. Quelle belle histoire que cette histoire de Bassompierre! Il faut comprendre une des raisons pour laquelle il avait été si résolument aimé. À cette époque, les Français se séparaient en 2 classes distinctes, l'une dominante, l'autre demi-serve. La lingère pressait Bassompierre dans ses bras comme un demi-dieu descendu au sein d'une esclave. Il lui faisait l'illusion de la gloire, et les Françaises, seules de toutes les femmes, sont capables de s'enivrer de cette illusion. Mais qui nous révélera les causes inconnues de la catastrophe? Était-ce la gentille grisette des 2 anges, dont le corps gisait sur la table avec un autre corps? Quel était l'autre corps? Celui du mari ou de l'homme dont Bassompierre entendit la voix? La peste, car il y avait peste à Paris, ou la jalousie, étaient-elles accourues dans la rue Bourg-l'Abbé avant l'amour? L'imagination se peut exercer à l'aise sur un tel sujet. Mêlés aux inventions du poète, le cœur populaire, les fossoyeurs arrivant, les corbeaux et l'épée de Bassompierre, un superbe mélodrame sortira de l'aventure. Vous admirerez aussi la chasteté et la retenue de ma jeunesse à Paris. Dans cette capitale, il m'était loisible de me livrer à tous mes caprices, comme dans l'abbaye de Thélème, où chacun agissait à sa volonté. Je n'abusais pas néanmoins de mon indépendance. Je n'avais de commerce qu'avec une courtisane, âgée de 216 ans, jadis éprise d'un maréchal de France, rival du Béarnais auprès de mademoiselle de Montmorency, et amant de mademoiselle d'Entragues, sœur de la marquise de Verneuil, qui parle si mal de Henri IV. Louis XVI, que j'allais voir, ne se doutait pas de mes rapports secrets avec sa famille. Le jour fatal arriva, il fallut partir pour Versailles, plus mort que vif. Mon frère m'y conduisit la veille de ma présentation et me mena chez le maréchal de Duras, galant homme dont l'esprit était si commun qu'il réfléchissait quelque chose de bourgeois sur ses belles manières. Ce bon maréchal me fit pourtant une peur horrible. Le lendemain matin, je me rendis seul au château. On n'a rien vu quand on n'a pas vu la pompe de Versailles, même après le licenciement de l'ancienne maison du roi. Louis XIV était toujours là. La chose alla bien tant que je n'eus qu'à traverser les salles des gardes. L'appareil militaire m'a toujours plu et ne m'a jamais imposé. Mais quand j'entrai dans l'œil de bœuf et que je me trouvais au milieu des courtisans, alors commença ma détresse. On me regardait, j'entendais demander qui j'étais. Il se faut souvenir de l'ancien prestige de la royauté pour se pénétrer de l'importance dont était alors une présentation. Une destinée mystérieuse s'attachait aux débutants. On lui épargnait l'air protecteur méprisant qui composait, avec l'extrême politesse, les manières inimitables du grand seigneur. Qui sait si ce débutant ne deviendra pas le favori du maître? On respectait en lui la domesticité future dont il pouvait être honoré. Aujourd'hui, nous nous précipitons dans le palais avec encore plus d'empressement qu'autrefois, et ce qu'il y a d'étrange, sans illusion. Un courtisan réduit à se nourrir de vérité, et bien près de mourir de faim. Lorsqu'on annonça le lever du roi, les personnes non présentées se retirèrent. Je sentis un mouvement de vanité. Je n'étais pas fier de rester, j'aurais été humilié de sortir. La chambre à coucher du roi s'ouvrit. Je vis le roi, selon l'usage, achever sa toilette, c'est-à-dire prendre son chapeau de la main du premier gentilhomme de service. Le roi s'avança, allant à la messe, je m'inclinai. Le maréchal de Duras me nomma « Sire, le chevalier de Chateaubriand ». Le roi me regarda, me rendit mon salut, hésita, eut l'air de vouloir m'adresser la parole. J'aurais répondu d'une contenance assurée. Ma timidité s'était évanouie. Parler au général de l'armée, au chef de l'État, me paraissait tout simple, sans que je me rendisse compte de ce que j'éprouvais. Le roi, plus embarrassé que moi, ne trouvant rien à me dire, passa outre. Vanité des destinées humaines. Ce souverain que je voyais pour la première fois, ce monarque si puissant, était Louis XVI, à 6 ans de son échafaud. Et ce nouveau courtisan qu'il regardait à peine, chargé de démêler les ossements parmi les ossements, après avoir été sur preuve de noblesse présenté aux grandeurs du fils de Saint-Louis, le serait un jour à sa poussière, sur preuve de fidélité. Double tribut de respect à la double royauté du sceptre et de la palme. Louis XVI pouvait répondre à ses juges, comme le Christ, aux Juifs. « Je vous ai fait voir beaucoup de bonnes œuvres. Pour laquelle me lapidez-vous » Nous courûmes à la galerie pour nous trouver sur le passage de la reine lorsqu'elle reviendrait de la chapelle. Elle se montra bientôt entourée d'un radieux et nombreux cortège. Elle nous fit une noble révérence. Elle semblait enchantée de la vie. Et ses belles mains, qui soutenaient alors avec tant de grâce le sceptre de tant de rois, devaient, avant d'être liées par le bourreau, ravauder les haillons de la veuve, prisonnière à la conciergerie. Si mon frère avait obtenu de moi un sacrifice, il ne dépendait pas de lui de me le faire pousser plus loin. Vainement, il me supplia de rester à Versailles afin d'assister le soir au jeu de la reine. « Tu seras, me dit-il, nommé à la reine, et le roi te parlera. » Il ne me pouvait pas donner de meilleures raisons pour m'enfuir. Je me hâtais de venir cacher ma gloire dans mon hôtel garni, heureux d'être échappé à la cour, mais voyant encore devant moi la terrible journée des carrosses du 19 février 1787. Le duc de Coigny me fit prévenir que je chasserais avec le roi dans la forêt de Saint-Germain. Je m'acheminai de grand matin vers mon supplice, en uniforme de débutant, habit gris, veste et culotte rouge, manchette de bottes, bottes à l'écuyère, couteau de chasse au côté, petit chapeau français à galons d'or. Nous nous trouvâmes 4 débutants au château de Versailles, moi, les 2 messieurs de Saint-Marceau et le comte d'Hautefeuille. Le duc de Coigny nous donna nos instructions. Il nous avisa de ne pas couper la chasse, le roi s'emportant lorsqu'on passait entre lui et la bête. Le duc de Coigny portait un nom fatal à la reine. Le rendez-vous était au Val, dans la forêt de Saint-Germain, domaine engagé par la couronne au maréchal de Beauvau. L'usage voulait que les chevaux de la première chasse à laquelle assistaient les hommes présentés fussent fournis des écuries du roi. On bat au champ, mouvement d'armes, voix de commandement, on crie « le roi sort, monte dans son carrosse, nous roulons dans les carrosses à la suite. Il y avait loin de cette course et de cette chasse avec le roi de France, à mes courses et à mes chasses dans les landes de la Bretagne, et plus loin encore, à mes courses et à mes chasses avec les sauvages de l'Amérique. Ma vie devait être remplie de ces contrastes. Nous arrivâmes au point de ralliement où de nombreux chevaux de selle, tenus en main sous les arbres, témoignaient leur impatience. Les carrosses arrêtées dans la forêt avec les gardes, les groupes d'hommes et de femmes, les meutes à peine contenues par les piqueurs, les aboiements des chiens, le hennissement des chevaux, le bruit des cors, formaient une scène très animée. Les chasses de nos rois rappelaient à la fois les anciennes et les nouvelles mœurs de la monarchie, les rudes passe-temps de Clodion, de Chilpéric, de Dagobert, la galanterie de François Ier, de Henri IV et de Louis XIV. J'étais trop plein de mes lectures pour ne pas voir partout des comtesses de Chateaubriand, des duchesses d'Étampes, des Gabrielles d'Estrées, des Lavallières, des Montespans. Mon imagination prit cette chasse historiquement, et je me sentis à l'aise. J'étais d'ailleurs dans une forêt. J'étais chez moi. Au descendu des carrosses, je présentai mon billet au piqueur. On m'avait destiné une jument appelée l'Heureuse, bête légère, mais sans bouche, ombrageuse et pleine de caprices, assez vive image de ma fortune qui chauvit sans cesse des oreilles. Le roi mit en selle, partit. La chasse le suivit, prenant diverses routes. Je restai derrière à me débattre avec l'Heureuse, qui ne voulait pas se laisser enfourcher par son nouveau maître. Je finis cependant par m'élancer sur son dos. La chasse était déjà loin. Je maîtrisais d'abord assez bien l'Heureuse. Forcée de raccourcir son galop, elle baissait le cou, secouait le mort, blanchit d'écume, s'avançait de travers à petits bonds, mais lorsqu'elle approcha du lieu de l'action, il n'y eut plus moyen de la retenir. Elle allonge le chanfrein, m'abat la main sur le garrot, vient au grand galop donné dans une troupe de chasseurs, écartant tout sur son passage, ne s'arrêtant qu'aux heurtes du cheval d'une femme qu'elle faillit culbuter, au milieu des éclats de rire des uns, des cris de frayeur des autres. Je fais aujourd'hui d'inutiles efforts pour me rappeler le nom de cette femme qui reçut poliment mes excuses. Il ne fut plus question que de l'aventure du débutant. Je n'étais pas au bout de mes épreuves. Environ une demi-heure après ma déconvenue, je chevauchais dans une longue percée à travers des parties de bois désertes. Un pavillon s'élevait au bout. Voilà que je me mis à songer à ces palais répandus dans les forêts de la couronne, en souvenir de l'origine des rois chevelus et de leurs mystérieux plaisirs. Un coup de fusil part, l'Heureuse tourne court, brosse tête baissée dans le fourré et me porte juste à l'endroit où le chevreuil venait d'être abattu. Le roi paraît. Je me souvins alors, mais trop tard, des injonctions du duc de Coigny. La maudite Heureuse avait tout fait. Je saute à terre, d'une main poussant en arrière ma cavale, de l'autre tenant mon chapeau bas. Le roi regarde et ne voit qu'un débutant arrivé avant lui au fin de la bête. Il avait besoin de parler. Au lieu de s'emporter, il me dit, avec un ton de bonhomie et un gros rire, « Il n'a pas tenu longtemps ». C'est le seul mot que j'ai jamais obtenu de Louis XVI. On vint de toutes parts, on fut étonné de me trouver causant avec le roi. Le débutant Chateaubriand fit du bruit par ses deux aventures, mais comme il lui est toujours arrivé depuis, il ne sut profiter ni de la bonne ni de la mauvaise fortune. Le roi força trois autres chevreuils. Les débutants ne pouvant courir que la première bête, j'allai attendre au Val avec mes compagnons le retour de la chasse. Le roi revint au Val, il était gai et comptait les accidents de la chasse. On reprit le chemin de Versailles. Nouveau désappointement pour mon frère. Au lieu d'aller m'habiller pour me trouver au débeauté, moment de triomphe et de faveur, je me jetai au fond de ma voiture et rentrai dans Paris plein de joie d'être délivré de mes honneurs et de mes maux. Je déclarai à mon frère que j'étais déterminé à retourner en Bretagne. Content d'avoir fait connaître son nom, espérant amener un jour à maturité par sa présentation ce qu'il y avait d'avorté dans la mienne, il ne s'opposa pas au départ d'un esprit aussi biscornu. Telle fut ma première vue de la ville et de la cour. La société me parut plus odieuse encore que je ne l'avais imaginée, mais si elle m'effraya, elle ne me découragea pas. Je sentis confusément que j'étais supérieur à ce que j'avais aperçu. Je pris pour la cour un dégoût invincible. Ce dégoût, ou plutôt ce mépris, que je n'ai pu cacher, m'empêchera de réussir ou me fera tomber du plus haut point de ma carrière. Au reste, si je jugeais le monde sans le connaître, le monde à son tour m'ignorait. Personne ne devina à mon début ce que je pouvais valoir. Et quand je revins à Paris, on ne le devina pas davantage. Depuis ma triste célébrité, beaucoup de personnes m'ont dit « comme nous vous eussions remarqué si nous vous avions rencontré dans votre jeunesse ». Cette obligeante prétention n'est que l'illusion d'une renommée déjà faite. Les hommes se ressemblent à l'extérieur. En vain, Rousseau nous dit qu'il possédait deux petits yeux tout charmants. Il n'en est pas moins certain, témoin ses portraits, qu'il avait l'air d'un maître d'école ou d'un cordonnier grognon. Pour en finir avec la cour, je dirais qu'après avoir revu la Bretagne et m'être venu fixer à Paris avec mes sœurs cadettes, Lucille et Julie, je m'enfonçais plus que jamais dans mes habitudes solitaires. On me demandera ce que devint l'histoire de ma présentation. Elle resta là. « Vous ne chassâtes donc plus avec le roi ? Pas plus qu'avec l'empereur de la Chine. Vous ne retournâtes donc plus à Versailles ? J'allais deux fois jusqu'à Sèvres, le cœur me faillit et je revins à Paris. Vous ne tirâtes donc aucun parti de votre position ? Aucun. Que faisiez-vous donc ? Je m'ennuyais. Ainsi, vous ne vous sentiez aucune ambition ? Si fait. À force d'intrigues et de soucis, j'arrivais à la gloire d'insérer dans l'almanach des muses une idylle dont l'apparition me pensa tuer d'espérance et de crainte. J'aurais donné tous les carrosses du roi pour avoir composé la romance « Ô ma tendre musette » ou « De mon berger volage ». Propre à tout pour les autres, bon à rien pour moi. Me voilà. Fin de la section 11.